mis de cicatrices. Si je compte mes drames, si j'ai quitté ma voix directrice. Baisse ma voix dans les fréquences, du mal à rester piste. J'accrois en endurance pour un vrai feu d'artifice. Je m'en balance de la concurrence et de leur vie factice. Toujours présent pour ceux que j'aime en faire des sacrifices. Fils, pour un autre garde des fils, novice. J'apporte des chrysanthèmes sur vos tombes, je mets vos sites. Simplement zoner les moyens. Je suis imprévisible à l'aspect d'un gars qui ne sert à rien. J'ai l'appétit d'oublier les cieux quand je me sens bien. Flashback sous le ton d'une herculienne me rappelle d'où je viens. Ainsi qu'un partage d'émotions. On se sentir libre. À deux doigts, je carnage. J'en quitte ton mal de vie. J'ai vu que certains gars avaient vraiment du mal à dessus. J'ai trouvé la solution, tourner la page, j'ai pu changer. Demain tes jours nous vont, c'est plus auquel on slip. Je préfère le chant des oiseaux que celui des calibres. Je pense que leur manque une casse. Ils prétendent me connaître en m'appelant par mon plat. Cette année j'ai décidé de mettre des blés gas. Fils qu'on flash en son moment, attrape-moi si tu peux. Allons casse, j'suis la goutte de trop dans un vase. Sale vécu qui se déteste sur mon visage. J'transpire l'odeur de ma rue et de ma terre sauvage. Y'a quoi? Est-ce qu'ils réalisent une envie meurtrière? Je n'ai pas réalisé, mon rap ne date pas d'hier. J'en ai pas fait mon bus. J'ai l'habitude de serrer des mains avant de faire la bise. Pourquoi me jalouser, frérot, comme quand je vis la crise? Rien à foutre de ceux qui pensent, de ceux qui